Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste, une aventure qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver autour des travaux des artistes Joseph Kamaru, originaire du Kenya, qu'on va découvrir en seconde demi, et de l'artiste multidisciplinaire d'origine allemande Hans Kastrup, bon, que j'ai découvert sur un label très intéressant intitulé Atténuation Circuit. Et la pratique artistique de Hans Kastrup englobe la peinture, l'écriture, les installations et l'art radiophonique. Kastrup intégrant souvent du sonore en accompagnement de ses peintures et installations. Je vous propose ce soir des créations tirées d'un album intitulé The Aberrant Point, un titre d'album tiré par ce mot bizarre qui désigne ce point de gravité entre deux masses qui les annule. Bon, point de gravité, par exemple, entre deux planètes. Le travail sonore de Kastrup consiste donc à créer des espaces sonores, parfois parallèles, dans lesquels les auditeurs peuvent y trouver leur propre point aberrant, à la fois dans un sens concret, mais aussi dans un sens métaphorique, évidemment. Alors, on écoute pour débuter The Aberrant Point, c'est la partie numéro 5, dans laquelle il utilise la voix de Carla Vorgul, non pas pour signifier la parole, mais comme source de son sans parole, comme une machine à cris, raconte Kastrup. Alors, on écoute ça. Thank you. Hans Kastrup est un artiste d'origine allemande, je l'ai déjà souligné. Il travaille avec des sons analogiques et numériques à la croisée des arts électroniques et des musiques dites d'avant-garde. Né en 1957, il a étudié les arts à l'université d'Osnabrück. Dans ce projet intitulé The Aberrant Point, Kastrup vise à créer un univers parallèle, une sorte de monde, dit-il, où voyagent à la fois Erik Satie et le cool jazz, le langage et le non-sens, les bruits anthologiques de la radio et les accords cristallins du piano. On écoute justement un extrait d'une longue pièce intitulée A Kind of World, tirée toujours de cet album The Aberrant Point, et c'est tout à l'image de la démarche artistique de Hans Kastrup. Kind of world. It is a kind of world.

Hans Kastrup utilise dans le domaine sonore une méthode de travail à couches multiples qu'il a développée dans ses peintures. Différentes sources sonores analogiques ou encore numériques obtenues par le synthétiseur, l'ordinateur, les magnétophones sont manipulées et réorganisées sous forme de compositions abstraites se situant, dit-il, entre la mélodie et les collages expérimentaux d'un artiste peintre. Il a réalisé, avec la complicité du trompettiste James Hill, un album intitulé « Hybrid Rain and Liquid Paper », très bel album, qui illustre à merveille ce travail de peintre sonore. On raconte que Hybrid Rain and Liquid Paper est un mélange unique de styles expérimentaux et avant-gardistes qui nous propose un voyage à travers des textures abstraites fusionnant des éléments organiques et électroniques pour une expérience auditive très singulière. Vous verrez, c'est très, très intéressant comme travail. Alors, on écoute un extrait tiré de cet album, Hybrid Rain and Liquid Paper. Ça s'intitule Hybrid Rain Bowed into a Cloud. Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi en compagnie de Hans Kastrup. Restez des nôtres, je vous reviens après la pause avec les travaux sonores de Joseph Camarou. À tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin au microphone, on se retrouve ce soir autour de quelques créations sonores de l'artiste d'origine kérianne, cette fois Joseph Kamarou, également connu sous le nom de K.M. Roux. On raconte qu'il s'intéresse à l'écoute, ce qui entre dans ses oreilles du monde environnant et transformé, dit-on, en matière sonore, hypnotique et onirique. Il a beaucoup expérimenté à partir d'enregistrements sur le terrain. Il exploite les synthés et fait l'apprentissage du « do it yourself ». Il est un des rares artistes sonores d'origine africaine qui s'impose sur la scène internationale des arts sonores et médiatiques. Je vous fais donc entendre ce soir quelques créations de Joseph qui seront émaillées de propos recueillis en cours d'entretien qu'il a accordé ici et là. Et je lance ça avec une création intitulée « Ciné ». C'est tiré de l'album récent intitulé « Forge » qui est un très bel exemple de sonorité environnementale transformée par le truchement de l'imagination. Ben, lorsque K.M.Rou quitte Nairobi pour s'installer à Berlin, on est en 2020, pour étudier la création sonore, il est immédiatement fasciné par le silence relatif de la capitale allemande. J'ouvre les guillemets, il dit « Chez moi, au Kenya, je suis entouré de sons. Le murmure omniprésent des oiseaux et des insectes, le bavardage des passants et le smog électrique. » À Berlin, tous ces bruits sont atténués. Les piétons déambulent avec des écouteurs communiquant à peine, tandis que les câbles électriques sont cachés sous terre et que la faune demeure en retrait de la jungle de béton. À mesure que je m'acclimate à la vie européenne, dit-il, je réalise que la nuit d'un bleu noir sombre éclairé par les lampadaires et magasins n'offre que peu de contraste avec le jour. La nuit au Kenya me semble plus tangible. Après 18 heures, lorsque le soleil se couche, dit-il, même la faible lueur d'un écran peut vous éblouir les yeux qui doivent rapidement s'adapter. Comme il en est pour les yeux, les oreilles s'adaptent aussi lorsque la lumière tombe, améliorant même les sons les plus infimes. Je referme les guillemets. C'est donc ce phénomène d'adaptation de l'oreille à la nuit tombée que K.M.Rou a utilisé pour créer Nature, un long récit de sons imperceptibles, amplifiés et mixés à des sons naturels familiers. Alors on écoute ça. On raconte que c'est à l'aide de microphones électromagnétiques que Joseph Camarou dévoile l'agitation cachée du monde par le calme ambigu de l'ère numérique, juxtaposant des rugissements, des grognements mécaniques à des phénomènes microscopiques, gémissements tranquilles et électriques. Sur Nature, Camarou nous offre de visualiser un paysage caché, grouillant de vie et en dialogue avec les possibles de l'univers technologique.